ma place, je sais pas comment. Avec les larmes, ça coûte le sel. Avec ces camelots de la mer, ce qui fait fond des grands glaciers. Pleure à ma place, je sais pas comment. Avec le temps, je suis resté celui à qui on peut se confier, celui qui en crève d'être le plus fort. Il y a tant d'histoires de mal d'amour jamais confiées. Il y a des chagrins comme des secrets jamais domptés. De se raconter. Pleure à ma place, je sais pas comment. Je n'ai pas aimé rester caché. C'est comme ça depuis tant d'années. Mes tiroirs vont bientôt craquer. Histoire de mal d'amour jamais confié. Il y a des chagrins comme des secrets jamais domptés. Les larmes ont besoin de se raconter. C'est pas l'alcool qui brûle ma langue, c'est pas la rage qui me fait souffrir. J'ai une fenêtre qui veut s'ouvrir. Tant d'histoires de mal d'amour jamais confiées. Il y a des chagrins comme des secrets jamais domptés. Piège de douleur, piège de beauté. Keep.